إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Donc on continue dans la section du livre où le chef il fait l'avertissement contre les bid'a, التحذير من البدعه. Puis la dernière fois on était arrivé à la question où il expliquait comment répondre aux gens qui prétendent qu'il y a des bonnes bid'a, qu'il y a une bid'a qui est bonne et une qui est mauvaise. Donc yani, avant de commencer ça, j'aimerais juste clarifier un point au sujet de qu'est-ce qu'on avait mentionné la dernière fois à propos de lever les mains puis faire un doigt après la prière, parce que il y avait eu une question la semaine passée au sujet de ça. Il y avait un frère qui avait demandé est-ce que c'est permis de lever les mains pour faire un doigt après la prière comme la plupart des gens le font. Et puis bon, je savais que de le faire après chaque prière c'était une bid'a, mais la question de lever les mains ou non et des choses de ce genre, j'étais pas certain là-dessus. Donc qu'est-ce que j'ai fait, je suis retourné sur le site du Cheikh Abdelaziz Ibn Baz et j'ai trouvé une fatwa à ce sujet-là. Et là, dans la fatwa, la question, on demande, سؤال, ما رأي سماحتكم في رفع الأيدي للدعاء بعد الصلاة وهل هناك فرق بين الصلاة الفريضة أو النافلة. Donc c'est quoi l'opinion, c'est quoi votre opinion au sujet des gens qui lèvent leurs mains pour faire le doigt après la prière, et est-ce qu'il y a une différence pour ceux qui font ça après la prière obligatoire et ceux qui le font après la prière volontaire. Et le cheikh il a répondu, il dit al-jawab, pardon, رفع الأيدي في الدعاء سنة ومن أسباب الإجابة لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن ربكم حي كريم يستحي من عبده إذا رفع يديه إليه وأن يردهما سفرا. أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه وصححه الحاكم من حديث سلمان الفارسي. Donc le cheikh il dit, l'imam Ibn Baz il dit rahimahullah, que de lever les mains dans le dua c'est une sunnah et ça fait partie des causes de la réponse, c'est-à-dire que ça qui va causer que Allah va répondre à ton dua. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith, votre Seigneur est gêné et il est généreux. Et il est gêné de voir que son serviteur lève ses mains vers lui et qu'il le lève avec les mains vides, sans lui répondre. Hein. Et après, il dit que ça c'est rapporté par Abu Dawud, Tirmidhi ibn Majah et authentifié par Al-Hakim, et c'est un hadith de Salman al-Farisi. Donc il dit que, par la suite, il dit, وفي قوله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا. En fait, il mentionne ce hadith du prophète sallam qui mentionne à la fin que, comme il dit, ثم ذكر رجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنا يستجاب له. C'est-à-dire dans le hadith, à la fin, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a mentionné un homme qui a fait un long voyage et il est sale et rempli de poussière, hein, et il lève ses mains vers le ciel et il dit, ô Seigneur, Ya Rab, Ya Rab, hein, et ce qu'il mange est haram, ce qu'il boit est haram et ce qu'il porte est haram et tout ce qu'il fait dans sa vie c'est haram. Donc est-ce que vous croyez que celui-là va être exaucé? Est-ce que vous pensez que Allah va lui répondre? Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc c'est ça que le Cheikh Ibn Baz a mentionné comme preuve pour dire que yani c'est permis de ou de dire que lever les mains pour faire un doa, c'est permis, excepté qu'il clarifie maintenant, il dit ولكن لا يشرع رفعهما في المواضع التي وجدت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لم يرفع فيها كأدبار الصلوات الخمس. Non, qu'est-ce qu'il dit après? Il dit c'est, mais par contre c'est pas permis de lever les mains, c'est pas permis de lever les mains pour faire un doua, excepté dans les endroits ou les moments où le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a fait, hein. Et donc si le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a pas fait, on n'a pas le droit de le faire. Il dit comme par exemple après les cinq prières, hein, on n'a pas le droit de lever les mains, entre les deux sajda, entre les deux prosternations dans la prière, avant le taslim, hein, lorsque l'imam fait le khutbah ou du Jumu'ah ou de Al-Aïd, on n'a pas le droit de lever les mains durant ces moments-là. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne levait pas ses mains dans ces moments-là. Hein, et c'est notre bon exemple, hein. Il dit, لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرفع في هذه المواضع وهو عليه الصلاة والسلام الأسوة الحسنة فيما يأتي ويذر ولكن إذا استقى في خطبة الجمعة أو خطبة العيدين وشرع له رفع اليدين. Donc il dit, donc c'est notre exemple dans ce qu'il a fait et dans ce qu'il a laissé. Et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, wa alaykum salam akhi, kayfa halak, alhamdulillah. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il levait ses mains, comme par exemple lorsque il faisait al-istisqa, quand il demandait la pluie, et lors du khutbatul jumu'ah, des fois il faisait l'istisqa, et lors de l'aïd également, et il faisait du'a, il levait ses mains très haut, hein. Parfois même les sahaba ont décrit que lorsqu'il levait ses mains, il voyait le blanc de ses aisselles. Hein. Et après, il disait, le cheikh il dit, أما الصلاة الناقلة فلا أعلم مانعا من رفع اليدين بعدها في الدعاء عملا بعموم الأدلة، لكن الأفضل عدم المواظبة على ذلك، لأن ذلك لم يثبت فعله عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولو فعله بعد كل نافلة لنقل ذلك عنه، لأن الصحابة رضي الله عنهم قد نقلوا أقواله وأفعاله في سفره وإقامته وسائر أحواله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم جميعا. Donc le Cheikh dit en ce qui concerne après les prières volontaires, il dit je ne vois aucune chose qui empêche le fait que quelqu'un puisse lever ses mains pour faire un dua après la prière volontaire. Et par contre, si quelqu'un le fait après chaque prière régulièrement, après chaque prière volontaire, il dit que je crois que c'est mieux de pas faire ça. C'est mieux de pas le faire après chaque fois que tu fais une prière volontaire, parce que ça n'a pas été rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam le faisait. Et donc, le cheikh il dit que si le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'avait fait, ça nous aurait été transmis. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, les sahaba l'auraient rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce que les sahaba ont rapporté ses paroles et ses actions lorsqu'il voyageait et lorsqu'il était à Médine, et dans toutes les situations où il était, ils ont mentionné ce qu'il faisait et ce qu'il ne faisait pas, etc. Donc, dans ce cas-là, puisque ça ne nous a pas été rapporté qu'il levait ses mains après chaque prière pour faire un doua, donc dans ce cas-là, il faut éviter de le faire. Ça, c'est les paroles de l'imam Ibn Baz, hein. Et ça c'est rapporté dans la Majmou' al-Fatawa wa Maqalat Mutanawwi'a, al-Juz al-Hadi Ashar, le 11e volume dans son Majmou' al-Fatawa. Et puis donc, le fait que des musulmans prennent l'habitude de, après chaque prière, lever les mains et de faire un doua, c'est quelque chose qui est en contradiction avec la Sunna, Et c'est malheureux parce que beaucoup d'entre les musulmans d'aujourd'hui, ils font cette chose-là. Et c'est comme, c'est devenu comme une sorte de pratique traditionnelle. Et parfois même, quand quelqu'un entre dans l'islam, il est nouveau converti, il regarde tout le monde autour de lui, qu'est-ce que les gens font, et il commence à le faire, sans essayer de chercher à comprendre. Est-ce que c'est vraiment authentique? Est-ce que ça a été fait par le prophète sallallahu alayhi wa sallam ou non? Et puis ça, je ne sais pas si c'est arrivé à d'autres frères, mais moi ça m'est arrivé personnellement, quand je suis converti à l'islam, à un moment donné je me demandais est-ce que je dois faire ça, est-ce que je ne dois pas le faire, hein, puis quand je cherchais les preuves de ça, je ne trouvais pas. C'est seulement quand tu demandes aux chouyoukh, aux ulama, qui sont sur la voie des salafs, qui suivent la sunna, eux ils vont te clarifier les choses, ils vont te dire non, ça c'est pas dans l'islam, etc. Ils vont te dire des choses clairement. Donc dans ce cas-là, ça devient clair. Alhamdulillah, Rabbil Alameen. Et ça ne veut pas dire que le fait qu'on ne fait pas un dua après la prière, que yani, on décourage les musulmans de faire des duas. Au contraire, on incite les musulmans de faire des duas, parce que c'est une des meilleures formes de ibada. Ad-du'a, hein, l'ibada. Le du'a, c'est l'adoration. Sauf que tu fais ton du'a durant la prière. Tu fais ton du'a quand tu es dans le sujoud. Tu fais ton du'a quand tu es dans, après le tashahhud. Tu fais ton du'a dans un certain moment de la prière particulier où tu as le droit de faire des du'a. Mais tu ne fais pas ton du'a après la prière puisque tu viens juste de prier Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, qu'est-ce qui est permis après la prière, c'est que tu te rappelles d'Allah subhanahu wa ta'ala avec des formes de dhikr que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné, hein, de mentionner 33 fois subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, et tu dis la ilaha illallah comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné, la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahu al-mulku wa lahu al-hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir. Tu dis ayat qul huwa Allahu ahad, qul a'udhu bi rabbil falaq, qul a'udhu bi rabbil falaq, qul a'udhu bi rabbin nas. Tu peux dire ça trois fois, tu peux dire Ayatul Kursi, tu peux faire des du'as comme par exemple, il y a un du'a qu'on dit là, c'est Sayyidul Istighfar. Lamman tarabbi la ilaha illa ant, khalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdik wa wa'adika mastata'at, a'udhu bika min sharri ma sana'at, dis ça. Donc ça c'est Sayyidul Istighfar. Ce du'a, le prophète sallam, il a dit, celui qui le dit le soir, eh bien, s'il meurt cette nuit-là, tous ses péchés seront effacés. Et s'il le récite le matin, après, comme après le fajr, eh bien, toute la journée, s'il meurt, ses péchés seront effacés. Et c'est un dua qui a une grande signification. Puis il y a beaucoup d'autres azkar et dua. Si vous regardez dans Hisn al-Muslim, vous allez trouver dedans les azkar à mentionner après la salat et tout ça. Et il y en a beaucoup, masha'Allah. Et celui qui reste yani constant dans la répétition de ces azkars là, il paraît que yani ça aura un effet très bénéfique sur lui, yani ça lui donne une protection contre toutes sortes de mal et ça l'aide également, ça lui donne la force. Et Cheikh Ibn Qayyim al-Jawziyya, il a parlé de ça dans son livre Tariq al-Hijratayn Mazhab al-Sa'adatayn. Et yani, je pense même que c'était lui qui disait que yani, c'est en ça qu'il trouvait sa force. Yani, aussi, c'est peut-être Ibn Taymiyyah aussi qui disait ça. Et que c'était comme son déjeuner yani, pour lui. Quand il faisait ça, là, ça lui donnait sa force pour la journée. Là. Donc ça c'est un rappel, ikhwa, pour dire que yani, si on suit la sunnah, on n'a plus besoin de la bid'ah. La sunnah va nous suffire. Et habituellement les gens ils commencent à faire des sunnahs et c'est ça qui tue les ils commencent à faire des bid'ahs et c'est ça qui tue la sunnah. Quand les gens commencent à faire des bid'ahs, ça tue la sunnah. Donc pour revenir au sujet dont on avait parlé la semaine passée, on avait expliqué que la question de par exemple at-tarawih, que souvent les gens de bid'ahs essaient d'utiliser comme un argument pour dire que c'est permis de faire des bid'ahs et qu'il y a des bonnes bid'ahs. Mais avant de rentrer de revenir à ce sujet-là encore, il y a juste une petite exemple que je peux vous donner, qui parfois peut vous aider même à arriver à convaincre. Allah alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. D'arriver à convaincre un mubtadi' ou une personne qui défend l'idée qu'il y a des bonnes bid'ah, qu'est-ce qu'il dit c'est faux. Par exemple, vous lui demandez ici, vu qu'il y a des bonnes et des mauvaises bid'ahs, vous lui demandez de vous donner des exemples de mauvaises bid'ahs. Parce qu'en général, ils ne sont pas capables de ramener, ils sont capables de donner des bonnes bid'ahs, des exemples de bonnes bid'ahs comme le tarawih ou des choses comme ça. Mais si tu leur dis c'est quoi une mauvaise bid'ah, là ils ont de la misère à trouver une mauvaise bid'ah. Et la mauvaise bid'ah qu'ils vont amener, eh bien tu es capable d'argumenter avec eux et de dire qu'est-ce qui te dit que c'est pas une bonne bid'ah ça aussi, hein? Parce que parfois Yanni, comme ça m'est déjà arrivé, j'ai discuté avec un d'entre eux et il me disait, je lui donne-moi un exemple de mauvaise bid'ah. Il m'a donné un exemple, il m'a dit par exemple d'enseigner le wudu puis de mettre là-dedans qu'il faut faire l'istinja avant de faire l'eau. Il m'a dit ça c'est une mauvaise bid'ah parce que ça fait pas partie du wudu de se laver quand on sort des toilettes, avant de sortir des toilettes. Donc je lui ai dit oui mais quelqu'un pourrait argumenter que c'est une bonne bid'ah. Quelqu'un pourrait dire et aller ouais mais c'est bien, il y a quelque chose de bien là-dedans parce que tu apprends à quelqu'un à se laver et à se purifier avant de faire son wudu, donc yani, c'est une bonne bid'ah. Yani, dans ce sens-là, c'est juste dans le sens que si tu veux argumenter avec lui, parce que sinon on sait très bien, comme on a dit depuis le début, que toutes les bid'ah dans la religion sont, voilà, là, comme on a expliqué, mais c'est que des fois tu veux juste établir une preuve contre eux, même rationnelle, parfois tu veux établir une preuve contre eux pour les convaincre, alors tu utilises des arguments comme ça. Parfois ça peut être utile. Et également aussi tu peux leur donner l'exemple. S'il y a des bonnes bid'ah et des mauvaises bid'ah, donc ça veut dire qu'il y a des bons mubtadi'ah et des mauvais mubtadi'ah. Hein? Pourtant, quand tu regardes les paroles des imams d'Ahlus Sunnah, lorsqu'ils critiquent les mubtadi'ah, quand ils disent que quelqu'un est un mubtadi'ah, ça ne veut jamais dire qu'il fait quelque chose de bien ou qu'il est correct. C'est toujours un blâme. Hein? Quand ils disent Fulan ou Mubtadi'a, un tel est un Mubtadi'a, c'est jamais une bonne chose, c'est jamais quelque chose de bien. Donc ça prouve qu'il n'y a pas des bonnes bid'ah ou des mauvaises bid'ah dans la religion. Mais s'ils parlent des choses de la dunya, comme par exemple les autos, les voitures, les ordinateurs, les avions, les trucs technologiques, tout ça, ça, ça rentre dans les choses de la dunya, c'est comme des bid'ah au sens linguistique. Et s'il veut dire une bid'ah au sens linguistique, c'est-à-dire en dehors de la religion, dans ce cas-là, oui. Tu peux dire, oui, il y a des bid'ah qui sont halal, des bid'ah qui sont haram. Si c'est en accord avec la charia, c'est halal, c'est mubah. Hein? Mais si c'est en dehors, si c'est interdit par la charia, si c'est des choses qui amènent à ce qui est haram, donc ça devient haram ou makruh. Dans ce cas-là, oui. Mais ça, c'est uniquement pour les choses dans le sens linguistique du mot bid'ah. Dans le sens que ça veut dire une invention ou une innovation dans la dunya. Mais quand on parle de la religion, dans la façon d'adorer Allah, dans les règles de la charia, dans les façons de se rapprocher d'Allah, tout ça, il n'y a pas de bonne bid'ah. Toutes les bid'ah sont dans Allah. Et le cheikh, il a donné un exemple aussi pour ceux qui prétendent que, il y a des bonnes bid'ah. Il avait répondu à l'exemple de Omar ibn al-Khattab, parce qu'il avait établi les gens derrière un seul imam durant la prière, il a dit « Ni'matul bid'a hazihi » Le cheikh dit « Wal jawabu an dhalika »« Inna hadhihi al-umur laha aslun fi al-shara' falaysat muhdatha » Wa qawlu Omar « Ni'matul bid'a hazihi » Yuridu al-bid'ata al-lughawiyya la al-shar'iyya fa kama kana lahu aslun fi al-shara' yurja'u ilayh wa idha qila innahu bid'a fa huwa bid'atun lughatan la shar'an لأن البدعة شرعا ما ليس له أصل في الشرع يرجع إليه. Donc le cheikh il dit que la réponse à ça, c'est qu'en réalité, ces choses-là, ils ont un fondement dans la charia. Le tarawih et tout ça, il a été fait durant la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc il a une origine dans la charia, dans le Coran et dans la sunna. Donc c'est pas une bid'a, parce que la définition d'une bid'a, c'est qu'est-ce qui n'a pas de référence. Aucune référence, ni dans le Coran, ni dans la Sunna, ni dans l'exemple des Sahaba et dans les actions des premiers siècles, parmi les musulmans du premier siècle. Donc dans ce cas-là, ça ne peut pas être appelé une bid'a. Et le cheikh il dit, en ce qui concerne la parole de Omar, ni'matul bid'a, hein, quelle bonne bid'a, il parle de la bid'a dans la langue, et non la bid'a dans la charia ou dans la religion. Hein? Donc, étant donné que ça, ça avait une base dans la charia, donc ça ne pouvait pas être appelé une bid'a religieuse. Donc, c'est ça que le chef explique. Il dit « وَجَمْعُ الْقُرْآنِ فِي كِتَابٍ وَاحِدٍ لَهُ أَصْلٌ فِي الشَّرْعِ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يأمر به بكتابة القرآن ولكن كان مكتوبا متفرقا فجمعه الصحابة رضي الله عنهم في مصحف واحد حفظا له. Donc le chef dit en ce qui concerne de rassembler le Coran dans un seul livre, et bien il y a une base à ça dans la charia, parce que le prophète صلى الله عليه وسلم a ordonné de l'écrire le Coran, sauf qu'il était écrit sur des morceaux séparés, sur des feuilles et des os de chameau séparés. Et qu'est-ce qu'ils ont fait les Sahaba? Ils les ont tous pris, ces différentes choses-là, et les ont rassemblés ensemble dans un seul livre, dans le but de préserver le Coran. Donc, ça c'est dans le but de préserver le Coran, et il y a une base également du fait que Allah subhanahu wa ta'ala, dans le Coran, il l'appelle, il le nomme Kitab, hein. Donc, ذلك الكتاب لا ريب فيه. À chaque fois qu'il parle du Coran, il en parle comme étant un livre. Donc il y a déjà aussi une autre référence. Et également il y a le fait que ça a été rassemblé par les Sahaba. Et qu'est-ce que les Sahaba ont fait et qu'ils ont tous été d'accord dessus? C'est une ijma. Et lorsqu'il y a une ijma à un sujet de quelque chose de la part des Sahaba, donc c'est une hujja et c'est accepté. On ne peut pas le rejeter. D'accord? Et également ils utilisent parfois un hadith. Et je pense que vous l'avez peut-être déjà entendu, c'est le hadith qui dit « Man sanna fil islam sunnatan hasana, kana lahu ajruha wa ajru man amila biha, wa la yankusu dhalika min ujurihim shay'a. Wa man sanna fil islam sunnatan sayyatan, kana lahu wizruha wa wizru man amila biha, la yankusu dhalika min awzarihim shay'a. » Donc ce hadith, il l'utilise comme preuve pour dire que s'il y a des bonnes sunnahs, hein, comme le hadith ça veut dire en français, celui qui fait dans l'islam une sunnah hasana, hein, donc une bonne action, il aura sa récompense et la récompense de celui qui l'a suivi dans cette bonne action-là, sans que ça diminue en rien de ses bonnes actions. Et celui qui fait dans l'islam une mauvaise action, eh bien, il aura le poids ou la charge de ce péché-là, ou de cette mauvaise action-là, hein, et de celui qui l'a suivi dans cette mauvaise action-là, sans que ça diminue en rien de ses propres péchés et de son propre poids. Donc, ça, ils utilisent ça pour dire, bon, regardez, il y a des bonnes sunnahs, il y a des mauvaises sunnahs. Et pour la personne qui regarde ça comme ça, il peut arriver à penser comme si, ah oui, c'est vrai, s'il y a des bonnes sunnahs et des mauvaises sunnahs, donc il y a des bonnes bid'ahs et des mauvaises bid'ahs. Alors que c'est pas ça du tout la signification du hadith. Le mot sunna dans la langue arabe, ça veut dire, si tu le regardes linguistiquement, ça veut dire une voie ou une action, quelque chose que tu fais. Hein. C'est pas nécessairement la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc il n'y a pas une mauvaise sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et une bonne sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Toute la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam est bonne. D'accord? Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, si on regarde le contexte du hadith, on comprend exactement de quoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam voulait parler. Hein? Le hadith parle d'une occasion où des gens sont rentrés dans la mosquée et ils étaient très pauvres. Et on voyait sur eux les signes de la pauvreté. Hein? Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il les a vus, il a été affligé de les voir comme ça, et il a fait réunir tous les Sahaba pour la salat. Et après, il a commencé à inciter les musulmans à donner en sadaqa et à donner pour aider ces gens-là qui étaient pauvres. Mais qu'est-ce qui est arrivé? C'est que, au début, personne n'a réagi, personne n'a rien donné. Jusqu'à ce qu'un homme se lève et il prenne une bourse remplie d'argent qu'il avait de la difficulté à tenir dans sa main et il est venu et il l'a mis devant comme sadaqa. Donc quand les gens ont vu cet homme-là faire ce geste, tout le monde se sont mis à sa suite et commencé eux aussi à donner de ce qu'ils possédaient. Que ce soit des bijoux, que ce soit même la moitié d'une date, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit, même si c'était la moitié d'une date, vous pouvez le donner. Donc les gens commençaient à donner, à donner, à donner. jusqu'à ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam commence à sourire, tellement il était content de les voir, de donner beaucoup de choses comme ça, fi sabilillah, pour les gens pauvres. Alors, lorsque les gens ont commencé à donner comme ça, c'est là que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui dans l'islam fait une bonne action, il aura la récompense qu'il a, pour qu'est-ce qu'il a fait, et la récompense de tous ceux qui l'ont suivi. Donc c'était en réalité pour dire que la personne qui était assise là et qui s'est levée en premier et qui a donné l'argent en premier, il a sa récompense, il aura la récompense de tous ceux qui étaient assis là derrière lui et qui ont commencé à donner après lui. Et ça c'est en réalité pour encourager les musulmans à être les premiers à faire le bien. Comme ça pour te dire que si toi tu es le premier à faire un bon geste, alors tu vas avoir la récompense de tous ceux qui vont te suivre dans ce bon geste là. Donc soit le premier à réagir quand c'est le temps de réagir pour faire un bon geste. Et ce n'est pas du tout un argument ou une preuve pour ceux qui veulent défendre qu'il y a des bonnes bid'ahs dans l'islam. La preuve, c'est que ce sahabi a fait en donnant de l'argent, c'était pas une bid'ah qu'il a fait, c'était une sunna, il a donné une sadaqa. Et il n'y a personne qui peut dire que donner une sadaqa, c'est une bid'ah. Et que c'est, et aller dans l'islam, hein. Donc, alhamdulillah, rabbil alamin, on voit un peu maintenant comment les gens de Bid'a aiment jouer avec la vérité et comment ils aiment tromper les gens avec toutes sortes de faussetés et qu'ils montrent une partie de la vérité et ils cachent une autre, hein, pour essayer de faire croire aux gens ce qu'ils veulent. Donc, c'est ça. Et, après le cheikh dit, والتراويح قد صلاها النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه ليال وتخلف عنهم في الأخير خشية أن تفرض عليهم واستمر الصحابة رضي الله عنهم يصلونها أوزاعا متفرقين في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وبعد وفاته إلى أن أجمعهم أو إلى أن جمعهم عمر بن الخطاب رضي الله عنهم خلف إمام واحد كما كانوا خلف النبي صلى الله عليه وسلم وليس هذا بدعة في الدين. Donc c'est ça, le cheikh il explique, il dit que le tarawih, les sahaba l'ont prié avec le prophète صلى الله عليه وسلم durant quelques nuits, puis par la suite il n'est pas venu parce qu'il avait peur que ça devienne obligatoire. Donc les sahaba ont continué à la faire, mais tous séparés, c'est-à-dire pas ensemble, pas en groupe, séparément. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Omar ibn al-Khattab les a mis derrière un seul imam, et puis après ça ils ont continué à le faire comme ils le faisaient avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et donc ce n'était pas une bid'a dans la religion. Wa kitabatul hadith aydan laha aslun fi al-shara' faqad amara an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam bi kitabati ba'd al-ahadith li ba'd ashabihi lamma tuliba minhu dhalik wa kana al-mahdhur min kitabatih بصفة عامة في عهده خشية أن يحترط بالقرآن ما ليس منه، فلما توفي صلى الله عليه وسلم انتفى هذا المحذور لأن القرآن قد تكامل وضبط قبل وفاته صلى الله عليه وسلم، فدون المسلمون السنة بعد ذلك حفظا لها من الضياع، فجزاهم الله عن الإسلام خيرا والمسلمين حيث حفظوا كتاب ربهم وسنة نبيهم عليهم الصلاة والسلام من الضياع وعبث العابثين. Donc le cheikh il dit, en ce qui concerne l'écriture des hadiths, hein, le rassemblement des hadiths dans les livres, et bien ça a une base dans la charia, puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam il avait ordonné à certains de ses compagnons d'écrire les hadiths, pas à tous les sahaba, mais à certains parmi les sahaba, comme si je ne me trompe pas, Abu Huraira et Abdullah ibn Amr ibn al-As, si je ne me trompe pas, il leur avait demandé d'écrire le hadith. Et au début, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait interdit d'écrire le hadith pour pas que ça se mélange avec le Coran. Mais par la suite, étant donné que le Coran a été descendu complètement et qu'il avait été écrit et compris et appris, etc., il n'y avait plus de danger que ça se mélange avec le Coran, donc les gens ont commencé à écrire le Coran, écrire les hadiths pour pas qu'on perde la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc le chef a dit on demande à Allah de les récompenser pour l'islam et pour les musulmans en bien, on est parce qu'ils nous ont préservé le livre de notre Seigneur, le livre d'Allah Ta'ala et la sunna de son messager, de son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Après le chef il dit ثانياً ظهور البدع في حياة المسلمين والأسباب التي أدت إلى ذلك. Donc deuxièmement il dit l'apparition des innovations dans la vie des musulmans et quelles sont les causes qui ont amené à leur apparition. Hein, c'est quoi les causes qui ont amené à l'apparition de ces innovations-là. Donc le cheikh il dit تحتمو مسألتان. Il y a deux questions ou deux sujets à ce propos-là. Il y a deux grandes questions. La première c'est وقت ظهور البدع. Quand est-ce que les bid'a sont apparus? Le cheikh il dit قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله واعلم أن عامة البدع المتعلقة بالعلوم والعبادات إنما وقع في الأمة في أواخر الخلفاء الراشدين كما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم قال من يعيش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. Donc le cheikh il dit que l'imam Ibn Taymiyyah rahimahullah il a dit sachez que la majorité des bid'as qui se rapportent à la connaissance et aux adorations sont apparues vers la fin du temps des khulafa ar-rashidin. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'avait annoncé, il a dit, celui qui va vivre après moi, il va avoir beaucoup de divisions, de discordes. Donc c'est pas une surprise, hein. C'est pas une surprise pour les sahaba quand les divisions sont apparues. Ils étaient déjà avertis par le prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il y allait avoir ces divisions-là. Donc c'était pas quelque chose de surprenant au début, ils le savaient déjà. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a expliqué le malaise, c'était quoi? C'était la division. Maintenant, il a expliqué le remède, parce qu'il explique toujours le remède. Il dit, فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةُ الْخُلَفَاءُ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِينَ مِنْ بَعْدِي. Donc, je vous incite et je vous commande de vous accrocher à ma sunna et à la sunna de mes successeurs bien guidés, ok, qui vont être après moi. Et après, il dit, عَبْدُ عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِزِ, c'est-à-dire, mordez dedans avec vos molaires pour dire à quel point vous devez vous accrocher dedans. Et le chef il dit par la suite, Ibn Taymiyyah il dit أول بدعة ظهرت بدعة القدر وبدعة الإرجاء وبدعة التشيع والخوارج. هذه البدع ظهرت في القرن الثاني والصحابة موجودون وقد أنكروا على أهلها. Donc le cheikh il dit que les premières bid'a qui sont apparues, c'est le bid'a de Al-Qadar, ceux qui niaient Al-Qadar. Hein? Et on a déjà appris comment Ibn Omar, hein, comment il a réfuté ces gens-là. Hein? Quand les tabi'in sont arrivés, ils ont dit on a entendu des gens dans notre région, hein, qui commencent à chercher l'islam, à étudier l'islam, mais qui commencent à nier Al-Qadar. Donc, ils disent que les choses se font sans qadar, sans prédestination. Donc, Ibn Omar, il leur a dit, sachez que je n'ai rien à voir, je me désavoue d'eux, je n'ai rien à voir avec eux. Et dites-leur que Allah subhanahu wa ta'ala, même si, dites-leur que s'ils donnent en sadaqa la montagne de Uhud, en or, Allah ne va rien accepter de cette sadaqa tant qu'ils n'ont pas cru en Al-Qadar. D'accord? Donc ça c'était la réponse de Ibn Omar pour ces gens-là qui ont nié le Qadar. Ensuite il y avait Al-Irja, ceux qui disent que les actions ne font pas partie de la foi et que la foi elle n'augmente pas, elle diminue pas, elle est une chose stable et que tout le monde a le même niveau de foi. Les anges, les prophètes et les pécheurs, hein, ils ont tous le même niveau de foi. Et qu'une fois que tu dis la ilaha illallah et que tu ne fais aucune action et rien du tout yani, tu es quand même un des pieux parmi les mu'minines. Donc ça c'est une des firaq des dégarements. Et il y a la bid'a des tashayyu, les shi'a, ceux qui ont préféré Ali ibn Abi Talib aux autres sahaba, hein, et qui les ont mis devant Abu Bakr et Omar et Othman. Et il y a parmi eux les rafida qui insultent les sahaba et qui les déclarent kuffar et qui élèvent les descendants d'Ali à des niveaux de divinité, et qu'ils croient qu'ils ont une connaissance de l'infini et qu'ils contrôlent les atomes de l'univers, ou bien aussi qu'ils les invoquent en dehors d'Allah et qu'ils vont à leur tombe pour faire le tawaf et pour les invoquer. Yani. Donc ça c'est des exemples de gardiens de ces gens-là. Il y a les khawarij également. Les khawarij c'est ceux qui déclarent les musulmans qui font des grands péchés comme étant des kuffars et qui prennent les armes contre les dirigeants musulmans et qui tuent les musulmans. Donc ceux-là, c'est les khawarij. Et le chef dit que ces bid'a-là sont apparus vers le deuxième siècle, alors que les sahaba étaient encore présents. Hein? Et il y en a qui disent, ouais, ben regardez, il y a des bid'a qui sont apparus. Au temps des sahaba, ils étaient encore là, yani. Sauf qu'ils oublient que lorsque ces bid'a sont apparus, on doit regarder c'était quoi la réaction des sahaba. C'était quoi la réaction? Est-ce que les sahaba ont dit, on va les laisser la liberté à tout le monde, et on va les accepter même s'ils ont des bid'a, ou bien ils sont venus et ils les ont réfutés? Eh bien c'est ça, ils les ont réfutés. Ils ont montré leur égarement, ils ont montré les preuves, et ils ont mentionné les versets du Coran, les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui prouvent que ces gens-là sont en contradiction avec l'islam, et donc ils ne sont pas, ils n'ont pas juste fait, yani, semblant que tout allait bien, ils les ont rejetés et réfutés. ثم ظهرت بدعة الاعتزال والأهواء وحدثت الفتن بين المسلمين وظهر الاختلاف ظهر اختلاف الآراء والميل إلى البدع والأهواء وظهرت بدعة التصوف وبدعة البناء على القبور بعد القرون المفضلة وهكذا كلما تأخر الوقت زادت البدع وتنوعت. مثل الشيخ ابن تيمية الزي. Par la suite est arrivée la bid'a des Mu'tazila, hein, ceux qui nient les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, et les Jahmiya également, et les Asha'ira par la suite, etc. Et c'est ça que le cheikh il dit, par la suite les fitan sont arrivés, les discordes et les problèmes et les troubles yani sont apparus, et les différences d'opinion sont apparues, et les gens ont commencé à pencher vers la bid'a et les passions, et la bid'a des soufis a été apparue, at-tasawwuf, hein, et la construction sur les tombes, etc. Donc tout ça s'est apparu par la suite, après les trois premiers siècles préférés. Hein, et plus le temps avance, plus les bid'a augmentent. Hein, contrairement à ce que des gens croient, que plus on avance dans le temps, plus on s'avance en connaissance et on s'améliore. Alors que c'est le contraire en réalité. Plus on s'éloigne du temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, plus on s'éloigne de la lumière de l'islam. Et les bid'ah commencent à devenir de plus en plus nombreuses. Mais bien entendu, il y a toujours un groupe de la Ummah qui reste sur la vérité, yani, comme il a dit dans le hadith. Après, il dit le deuxième point, makan al-zuhur al-bid'ah. Où sont apparus les bid'ah? Le cheikh il dit, تختلف البلدان الإسلامية في ظهور البid'ah. قال شيخ الإسلام ابن تيمية فإن الأمصار الكبار التي سكنها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج منها العلم الإيمان خمسة الحرمان والعراقان والشام. Donc le cheikh dit que il y a eu différents endroits où parmi les pays islamiques où les bid'ahs sont apparus. Cheikh الإسلام ابن تيمية il dit les grandes villes dans lesquelles les sahaba ont vécu et d'où sont sortis la connaissance de l'islam sont yani cinq. Il y a cinq villes parmi les villes du monde musulman où les sahaba ont habité en plus grand nombre et d'où est sortie la science de l'islam. Et il dit ce sont les deux Haram, les deux Irak et le Sham, c'est-à-dire Mecca et Medina, Al-Kufa ou Al-Basra et Al-Sham. C'est les cinq villes d'où sont sorties, ou les cinq régions d'où les Sahaba ont fait répandre plus de science. Wa alaykum salam wa rahmatullah. Il dit, منها خرج القرآن والحديث والفقه والعبادة وما يتبع ذلك من أمور الإسلام. وخرج من هذه الأمصار بدع أصولية غير المدينة. وخرج من هذه الأمصار بدع أصولية غير المدينة النبوية فالكوفة donc le cheikh il dit c'est de ces villes-là qu'est sorti le Coran et le Hadith, le fiqh et l'adoration, ok. Et tout ce qui suit des choses de l'islam est sorti de ces villes-là également par la suite. Puis par la suite, il y a des grandes bid'as qui sont apparues également dans ces villes-là, excepté la ville de Médine. À cette époque-là, il n'y avait pas de bid'as qui sont apparues de là-bas. Mais le cheikh il donne des exemples, il dit « فَالْكُوفَ خَرَجَ مِنْهَا التَّشَيُّعُ وَالْإِرْجَاءُ انْتَشَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فِي غَيْرِهَا » Donc c'est de Koufa que les bid'as des chiites et de l'Irja, les Murjia sont apparus de Koufa. Et par la suite ça s'est répandu ailleurs. Puis après « Al-Basra خَرَجَ مِنْهَا الْقَدَرُ وَالْإِعْتِزَالُ وَالْنُسُقُ الْفَاسِدُ انْتَشَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فِي غَيْرِهَا » Et c'est de Basra que sont apparus les bid'as de Al-Qadar, la prédestination, Al-Atizal, et Al-Nusuk, c'est-à-dire les exemples de gens qui veulent se montrer pieux, comme les tasawwuf, les exemples de soufis, ça sort de Al-Basra. Et après ça s'est répandu. Donc on voit que Kufa et Al-Basra, c'est deux villes qui sont en Irak. Et comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a toujours mentionné que la venait de l'Est. Donc, c'est en accord avec les prédictions ou les prophéties du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Après, il dit, وَالشَّامْ كَانَ بِهَا النَّصْبُ وَالْقَدَرْ أَمَّا التَّجَهُمْ فَإِنَّمَا ظَهَرَ فِي نَاحِيَةِ خُرَسَانِ وَهُوَ شَرُّ الْبِدَعِ. Donc, le chef, il dit que dans la région de la Syrie, il y a la bid'a du nasb. Et un nasb, c'est quoi? C'est le contraire des chi'as. C'est les chi'as, c'est ceux qui exagéraient sur Ali, au sujet de Ali et de sa famille. Et un nasb, c'est le contraire, c'est ceux qui détestent Ali et sa famille. Donc ça, c'est le contraire de la bid'a des chi'as. Et il y avait Al-Qadar également qui venait de Al-Sham. Et je pense que c'était Raylan al-Dimashqi qui a parti cette bid'a, yani parmi les musulmans. Amma al-Tajahum, yani en ce qui concerne la bid'a de Jahm ibn Safwan, al-Jahmiya, ceux qui nient les noms et les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien elle vient de la région de Khurasan. Et Khurasan, si je ne me trompe pas, c'est dans les régions de la Perse, de l'Iran. L'Iran, ouais, aujourd'hui l'Iran, etc. Et le chef dit que ça c'est parmi les pires des bid'a. Et après le chef dit وَظُهُرُ الْبِدْعَ بِحَسَبِ الْبُعْدِ عَنْ دَارَ النُّبُوَّةِ أو الدَّارَ النَّبَوِيَّةِ فَلَمَّا حَدَثَتْ الْفُرْقَةِ بَعْدَ مَقْتَلِ عُثْمَانَ ظَهَرَتْ بِدْعَةُ الْحُرُورِيَّةِ أو الْحَرُورِيَّةِ. Donc le chef dit, et l'apparition des bid'a est toujours correspond toujours avec l'éloignement de la maison de la prophétie, c'est-à-dire Al-Madina al-Munawwara. Et il dit que lorsque Othman a été tué, radiallahu anhu, c'est là qu'est apparue la bid'a de Haruriya. Et Al-Haruriya, c'est une des sectes parmi les Khawarij, ceux qui tuent les musulmans et qui se révoltent contre le dirigeant musulman et qui déclarent les musulmans comme étant des koufars lorsqu'ils font des grands péchés, etc. Donc ils appellent à la révolte. Et c'est là que ces gens-là sont apparus à Haroura. Oui, ça c'est apparu, mais ça existait déjà. Et puis à l'époque de la mort de Othman, Aïcha radiallahu anha était encore vivante. Et la bataille, lors de la bataille avec Ali, entre certains sahaba, c'est là que les Harouriya sont sortis contre Ali. Et ils ont pris les armes contre Ali ibn Abi Talib. Donc Ali les a combattus et Ali les a écrasés. Mais c'est juste pour dire que, mais ils ont commencé à sortir à partir de l'époque de Othman, parce que c'est eux qui ont tué Othman, c'est les Khawarij qui ont tué Othman ibn Affan. D'accord? Les Sahaba étaient occupés dans le djihad, dans différentes régions du monde musulman. Et ces gens-là, ils en ont profité pour arriver à Médine. Et ils ont encerclé sa maison et puis ils l'ont tué. Donc Othman ibn Affan. Donc c'est ça, Yann. Non, mais en fait, c'est toutes sortes de raisons, parce que ces gens-là, ils commençaient à critiquer Othman et commençaient à inventer des mensonges à son sujet, commençaient à le critiquer pour toutes sortes de raisons. Et puis, de toute façon, Yani le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait enseigné aux musulmans de ne jamais combattre les dirigeants, de jamais séparer l'autorité des musulmans, de jamais prendre les armes contre les dirigeants, même si ils font des choses injustes. Hein. Et c'était pas le cas de Othman, mais eux, ils ont cherché des raisons pour yani, justifier ce qu'ils faisaient. Yani. D'accord. Et puis, yani, donc, c'est des gens qui ont toujours cherché des fautes et des défauts chez les dirigeants des musulmans pour justifier les révolutions ou les coups d'État ou les renversements yani, pour faire la fitna entre les musulmans. Après le cheikh il dit « Amma al-Madinat al-Nabawiyya fa kanat salima min zuhur hadhihi al-bida'a wa in kana biha man huwa mudmir li dhalik fa kana indahum muhaman mazmouman » Donc le cheikh il dit en ce qui concerne al-Madinat al-Nabawiyya, la ville du prophète sallallahu alayhi wa sallam, du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, eh ben, elle a été sauvée et épargnée de l'apparition des bid'ah. Même s'il y avait à l'intérieur certains d'entre les gens qui cachaient ces bid'ah-là dans leur cœur, mais ils la considéraient comme quelque chose de blâmable et quelque chose de laid, ils n'aimaient pas, ils n'aimaient pas les bid'ah. إذ كان بهم قوم من القدرية وغيرهم. يعني parmi eux il y avait certains qui étaient parmi les قدرية, mais comme le Cheikh dit, ولكن كانوا مقهورين ذليلين, ils étaient écrasés, ils étaient humiliés, ils n'avaient aucune autorité, aucun pouvoir. بخلاف التشيع والإرجاء في الكوفة والاعتزال والبدع وبدع النساك في البصرة والنصب بالشام فإنه كان ظاهرا. Contrairement aux autres bid'ah, dans les autres régions, elles étaient apparentes et elles avaient une autorité, une force dans ces régions-là. وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الدجال لا يدخلها ولم يزل العلم والإيمان بها ظاهرا إلى زمن أصحاب مالك وهم من أهل القرن الرابع. فأما الأعصار الثلاثة المفضلة فلم يكن فيها بالمدينة النبوية بدعة ظاهرة البتة ولا خرج منها بدعة في أصول الدين البتة كما خرج من سائر الأمصار. Donc le cheikh il dit que ça a été rapporté que le Dajjal ne va jamais entrer à Médine. Il y aura toujours la science et la foi qui va être yani, présent et qui va être victorieux yani, dans cette ville-là. Jusqu'à l'époque de l'imam Malik, hein, il était du 4e siècle. Donc, durant les 3 premiers siècles, il n'y a pas eu aucune bid'a importante qui est apparue à Médine. Elle a été protégée de toute apparition de bid'a. Par la suite, il y en a eu. Hein, il y a eu les Shia à un moment donné qui ont pris le pouvoir, il y a eu les Soufia, il y a eu d'autres. Mais yani, dans les 3 premiers siècles, il n'y en a pas eu de bid'ah qui sont apparus dans ces régions-là. Donc, c'est ça que Ibn Taymiyyah a expliqué ici. Après, il dit « Al-asbab allati addat ila zuhur al-bid'ah » C'est quoi les causes qui ont amené à l'apparition des innovations dans l'islam ? Cheikh il dit « Mimma la shakka fihi » أن الاعتصام بالكتاب والسنة فيه منجاة من الوقوع في البدع والضلال. قال تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. Le Cheikh il dit, il n'y a pas de doute que en s'accrochant au Coran et à la Sunna, on va être sauvé de tomber dans les bid'a et dans les garments. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala dit, et voici mon chemin dans toute sa rectitude, alors suivez-le, et ne suivez pas les chemins qui vont vous dévier de sa voie. D'accord? Et le cheikh dit, وَقَدْ صَحَّ ذَلِكَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ فِي مَا رَوَاهُ بْنُ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالْ خَطَّ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطًّا فَقَالَ هَذَا سَبِيلُ اللَّهِ ثُمَّ خَطَّ خُطُوطًا عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ ثم قال هذه سبل وعلى كل سبيل منها شيطان يدعو إليه ثم تلا وأن هذا صراط مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله donc وأن ذلك وصاكم به لعلكم تتقون. Donc le hadith est-il mentionné, c'est un hadith qui est authentique apporté par, selon Ibn Mas'ud, radiallahu anhu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a tracé une ligne pour eux, c'est-à-dire pour les sahaba sur la terre. Et il a dit, voici le chemin d'Allah. Et à gauche et à droite de cette ligne, il a tracé plein de petits chemins qui sortaient de ce chemin. Et il a dit, voilà les petits chemins, et à la tête de chacun d'entre ces petits chemins-là, à gauche et à droite, il y a un shaitan qui appelle à le suivre. Et il a ensuite récité le verset, et voici mon chemin droit, dans toute sa rectitude, alors suivez-le, et ne suivez pas les petits chemins qui vont vous diviser, et qui vont vous égarer de son chemin. Donc, et c'est à ça qu'il vous enjoint dans le but que vous le craignez. نعم فمن أعرض عن الكتاب والسنة وتنازعه وتنازعته الطرق المضللة والبدع المحدثة. Donc celui qui s'écarte du Coran et de la Sunna, alors c'est là que les chemins d'égarement et les innovations vont commencer à le faire tourner à gauche et à droite et à le faire perdre le droit chemin. فالأسباب التي أدت إلى ظهور البدع تتخلص في الأمور التالية: الجهل بأحكام الدين، اتباع الهوى، التعصب للآراء والأشخاص، التشبه بالكفار وتقليدهم. ونتناول هذه الأسباب بشيء من التفصيل بعضهم. Donc le chef il dit, donc les causes qui ont amené à l'apparition des bédas, eh bien ça se résume en les choses suivantes. Premièrement, l'ignorance des règles de la religion. Deuxièmement, suivre les passions. Troisièmement, de suivre d'une façon fanatique les opinions des individus. Les opinions et des individus. Donc de suivre d'une façon fanatique, sans preuve, sans se baser sur une référence, les opinions ou les personnes, les personnages. Et d'essayer d'imiter aveuglément les koufars. Ça c'est les quatre choses les plus importantes qui ont amené à l'apparition des innovations dans l'islam. Donc le cheikh il dit, en plus de détails par la suite, pour clarifier, il dit premièrement, al-jahlu bi ahkam al-din. Kullama, wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Et kullama imtadda al-zaman, wa ba'da al-nas an athar al-risala, wa qalla al-ilm, wa fasha al-jahl, كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بقوله من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا وقوله إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبقى عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا فلا يقاوم البدع إلا العلم والعلماء فإذا فقد العلم والعلماء أتيحت الفرصة للبدع أن تظهر وتنتشر ولأهلها أن ينشطوا. Donc le cheikh il dit, à chaque fois que le temps s'éloigne et que les gens s'éloignent des restes de la révélation et du message, et bien c'est là que l'ignorance diminue et que c'est là que la connaissance diminue et que l'ignorance commence à être répandue. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a averti de cela, il nous a annoncé ça, et il a dit, celui d'entre vous qui vivra, il verra beaucoup de divisions. Et il a dit dans un autre hadith, Allah subhanahu wa ta'ala, il n'arrache pas le ilm, ou il n'arrache pas la science des gens comme ça, en les arrachant leur science de leur cœur. Mais il leur enlève le ilm par la mort des savants. Jusqu'à ce qu'il ne reste plus aucun savant, les gens vont prendre un ignorant et ils vont le mettre comme leur chef. Ils vont prendre pour chef des ignorants et ceux-là vont faire ils vont leur poser des questions et ils vont faire des fatwa sans connaissance. Ils vont s'égarer et ils vont égarer les autres. Et c'est ce qui arrive aujourd'hui. Les gens prennent pour imam et pour chef des ignorants. Connaissent pas l'islam, et ils leur demandent des fatwas sur l'islam, sur la religion. A'oudou billah, Allah al-musta'an, subhanallah, ça c'est vrai, subhanallah, le médecin, docteur en médecine, un chimiste, je sais pas quoi, un docteur en médecine, ils le prennent comme si c'était un cheikh de l'islam. Docteur, je ne sais pas quoi. Il n'a même pas étudié en islam, puis il parle de lui comme si c'était le cheikh de la Ummah. Allah al-Musta'an, akhi. Non, je parlais pas de Qardawi, je parlais d'un autre là, qui est venu dernièrement. Mais, ouais, ouais. Mais il y a beaucoup d'autres comme ça, yani, subhanallah. En tout cas. Mais il y a beaucoup, en tout cas. Non, mais c'est pas qu'avec Ramadan. Ils sont en train de faire une conférence aujourd'hui, là, à l'Université de Montréal. J'ai lu la liste des invités, là, et j'ai lu leur biographie et tout. Des médecins, des gens qui ont étudié en médecine, un autre qui est un dentiste, l'autre, je sais pas c'est quoi. Hadid! C'est un docteur en médecine. L'histoire? Ouais, mais il a lu des livres sur l'histoire. Ça me fait penser un peu à Tariq Souleydan, là. C'est un gars, il a étudié en finance ou en, je sais pas, en administration, quelque chose comme ça. Et puis il a lu des livres sur Sira. Et là, il commence à faire des cassettes sur le Sira. Puis je sais pas qu'est-ce qu'ils ont essayé de lire le Sira. D'après ce que moi, que comme j'ai lu une fois, il y a un chef qui disait, eux, ils se concentrent là-dessus. C'est parce qu'ils veulent essayer de trouver des exemples dans l'histoire islamique pour justifier la débat qu'ils veulent faire, il y en a deux, pour prendre le pouvoir dans les pays musulmans. Donc c'est ça en général qu'ils essaient de faire en étudiant la Sira. J'ai... Ben ouais. Pas juste un... Le gars qui a pris... Exactement, celui qui a étudié en médecine là, pour devenir médecin là, ce gars-là, ça prend du temps et ça prend tout son esprit là, pour devenir médecin. Tu peux pas t'en sortir et tous les années que ça prend, après tu commences à étudier l'islam, subhanallah. T'as perdu comme 25 ans de ta vie là, peut-être 30 ans de ta vie à étudier ces choses-là, alors que le alim lui là, il a commencé à apprendre le Coran depuis qu'il y a 9 ans, 5-6 ans là, et puis toutes ces années que l'autre est en train d'étudier les choses de médecine, lui est en train d'étudier Kitab al-Sunna et les paroles des ulama, puis après ça, l'autre il sort de l'université alors que lui là c'est déjà un imam dans la religion. Et là, l'autre, il commence à lire le livre de Sira, même pas commencer par la base. C'est juste pour donner un exemple, subhanallah. Et puis après, le problème, il commence à critiquer les ulama. Il commence à critiquer les ulama. Ah, ils comprennent pas bien, les ulama, ils comprennent pas bien la réalité. Et puis, le frère Mouhtar, il a entendu la cassette, donc il sait de quoi je parle. Sauf Tariq Souleydan. Et l'autre, j'écoutais, là, qu'est-ce qu'il disait à celui qu'ils ont invité. Ben oui. Oui. Ouais, c'est lui qui dit, moi j'ai compris, tous les savants ils comprennent rien. C'est comme ça qu'il parle. Si tu l'écoutes là, c'est comme ça qu'il parle. Moi j'ai tout compris. J'ai tout compris. Mais les ulama, malheureusement, ils n'ont rien compris. C'est comme ça qu'il parle, des ulama. Donc, Allah Mustaan. Et puis l'autre, il dit, on veut construire une ummah. Je suis en train d'écouter ça, là. Celui, l'Égyptien, là, qu'ils ont invité, là, le médecin, docteur en médecine. J'écoutais comme, 2 minutes, qu'est-ce qu'il a dit? Ouais, il dit, comment on veut apprendre comment bâtir une umma? Il dit, comme quand tu veux construire un édifice, là, un gros building, tu vas faire des plans, tu vas calculer plein de choses. Donc là, on veut construire une umma. Donc on va étudier pour savoir comment construire une umma. Il dit, subhanallah, la umma est déjà construite. Hein, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a établi l'islam. Il y a une umma déjà. Quelle umma tu veux créer? Quelle umma tu veux construire? Donc ça m'a un petit peu dérangé là quand j'ai vu ça. Mais ça m'a rappelé quand j'ai lu ce hadith à propos de ce sujet-là. Ouais. Économique, la société, ouais. Moi quand je suis devenu musulman, en 1991, ils faisaient des conférences. À chaque année, le sujet de la conférence, c'est comment vivre l'islam au Canada. Comment vivre l'islam en Amérique du Nord. Comment vivre l'islam aux... Il y a toujours les mêmes sujets. C'est comme s'ils veulent absolument vivre l'islam au Canada. On ne peut pas vivre l'islam dans les pays musulmans. Non, non, c'est pas le même islam partout, Harry. Quand tu vas vivre à Médine ou à Mecca ou dans un pays musulman et qu'il y a les mosquées partout, c'est l'heure de prière, et là t'entends la azan dans la rue, Allahu Akbar, Allahu Akbar, et là tout le monde sait, hein. Quand il y a un enterrement, tu vas te faire enterrer où? ils vont t'enterrer dans le cimetière des musulmans. Ici, si tu meurs, où est-ce qu'ils vont t'enterrer? Tu sais même pas. Donc c'est pour ça, tu peux pas comparer pratiquer ta religion ici, pratiquer ta religion dans un pays musulman. Ici, là, quand quelqu'un meurt, on est obligé de ramasser de l'argent pour le faire envoyer son corps dans son pays. Hein? Parce que tout le monde dit, ah, si on meurt, là, moi, je veux pas être enterré ici, là. Hein? Ben, c'est ça, la fitna. Maintenant, en France, ils commencent à interdire le hijab. Hein, si jamais il y a des gens. Non, ils se disent interdit. En Belgique aussi. Hein? En Belgique aussi. Dans les écoles. Mais en partant, là, vivre chez les koufars, c'est haram. Pas le droit. C'est pas permis. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a interdit de vivre chez les koufars. Donc, non, il faut retourner dans les pays musulmans. Mais ces gens-là ici, là, c'est du'a, c'est fitna, les gens de bid'a, ils veulent vivre ici, c'est leur paradis. Ils savent que dans les pays musulmans, ils ne peuvent pas établir leur bid'a comme ils veulent facilement, parce qu'il y a les gouvernements là-bas qui vont les arrêter, et il y a toutes sortes de choses qui vont les bloquer, tandis qu'ici, le gouvernement de Koufar, ils vont donner la liberté à tout le monde de s'amuser au petit jeu de la démocratie. Mais, quand ils vont sentir que ça les dérange un petit peu trop, vous allez voir qu'est-ce qu'ils vont faire. Ad-din al-nasiha. Voilà sur quoi l'islam est établi. Ad-din al-nasiha. La religion, c'est al-nasiha. C'est pas les coups d'état, les révoltes et les affaires de bid'a que ces gens ont essayé de faire. D'accord? Et là, il y en a un qui disait l'autre jour, Tariq Ramadan, quand il venait à Montréal. Et ça, c'est ma dernière mention de quelque chose de ce genre. Après, on revient au livre. Quand il est venu à Montréal, il a fait une conférence, il a parlé du sujet comme, je sais pas moi, de vivre l'islam au Canada ou quelque chose de ce genre. Comment être un Canadien musulman? Et là, il a dit, il y a toutes sortes de discussions au sujet de dar kuf, dar islam, dar imam. Est-ce que ici c'est dar kuf? Est-ce que c'est dar imam? Est-ce que c'est dar islam? Est-ce que c'est un pays de kuf? Il dit, moi, selon moi, ici c'est dar shahada. Parce que on peut dire le shahada. C'est ce qu'il a dit quand il est à Montréal. Parce que tu peux dire le shahada, c'est-à-dire ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah. Et moi j'ai trouvé ça bizarre, j'ai dit, on ne peut pas dire ça quand on est dans un pays musulman. Ça veut dire qu'est-ce qu'ils font les musulmans là-bas, hein? Ils ne peuvent pas dire shahadatin, ça c'est grave. Donc moi c'est juste pour vous dire, ces gens-là, ils ont quitté les pays musulmans parce qu'ils avaient une fitna dans le cœur. Et ils sont allés se réfugier chez les koufars pour leur demander la protection, parce que justement à cause de cette fitna. Ils préfèrent les pays koufars au pays des musulmans. Et vous le voyez comme ça. C'est comme ça qu'ils font. Parce qu'ici, ils ont la liberté. Hurriya. Et c'est ça qu'ils veulent. Hurriya tout l'afkar, hurriya tout l'atiqad, hurriya tout l'tahazzub. Toutes les hurriyat, ils veulent toutes les libertés. Pourquoi? Pour pouvoir répandre leur égarement. Hein? Et, si les musulmans, eux aussi, ils apprennent aux musulmans qu'il faut retourner dans nos pays, c'est pas apprendre aux musulmans comment vivre l'islam au Canada, comment être un Canadien musulman, comment être un Canadien à part entière. Il disait ça l'autre jour. Il disait ça, être un Canadien à part entière, et puis après ils disent, nous les musulmans, on respecte toutes les lois, la constitution, tout ça, on est des Canadiens à part entière. Mais ça c'est kufri. Parce qu'il y a des choses dans la loi canadienne qui sont en totale opposition avec les fondements même de l'islam. De la ilaha illallah, Muhammad Rasulallah. Non, c'est un péché de prendre la citoyenneté parce que ça fait partie de al-wala, de l'kuffar. Ça fait partie de s'allier au kuffar. C'est comme si par exemple, ils ont dans leur loi que l'idolâtrie, c'est halal, shirk, c'est permis. Tu peux adorer n'importe quel dieu que tu veux, personne ne va te blâmer. Donc pour eux, le shirk, c'est acceptable. Si tu crois à ça, toi, tu deviens kafir. Si tu crois que c'est permis, que le shirk est légal, tu deviens kafir. Ouais. Non? Oui, mais ça c'est pas la même chose. C'était Ahlul Zimma. c'est des gens qu'on appelle Ahlul Dhimma, les chrétiens qui vivent en terre islamique, on les appelle Ahlul Dhimma, c'est des gens qui vivent sous le pouvoir des musulmans, ils doivent payer une taxe d'humiliation, et en même temps, ils n'ont pas le droit de pratiquer ouvertement leur religion, ils n'ont pas le droit de mettre des croix sur le toit des églises, ils n'ont pas le droit de faire sonner les cloches, ils n'ont pas le droit d'appeler les gens à devenir chrétiens, il y a plein de règles et plein de conditions qu'ils doivent respecter quand ils sont Ahlul Dhimma, non, ce n'est pas exactement ce qu'ils font. Eux ici ils nous disent, vous avez la liberté totale, vous pouvez tout faire, qu'est-ce que vous voulez, puis après ça ils disent, mais faites pas ça, faites pas ça, faites pas ça. En fait moi je dis ici, les musulmans, beaucoup de choses ils s'empêchent eux-mêmes de faire de l'islam, parce que eux les kuffars ils n'ont pas dit qu'on ne pouvait pas le faire, mais à cause d'un complexe des fois, les musulmans ils disent, ah, on est ici, on n'est pas chez nous, c'est mieux qu'on fasse pas quelque chose. C'est pour ça qu'aux États-Unis, les musulmans qui sont convertis à l'islam sont la majorité. Et eux, ils font beaucoup plus de da'wah à l'islam et beaucoup plus d'application de certains aspects de l'islam que les musulmans émigrants qui viennent habiter ici. Parce que eux, ils savent qu'ils sont chez eux et dans le sens que ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Ils sont musulmans, mais s'ils décident de faire quelque chose qui fait partie de l'islam, personne ne peut les empêcher, sinon ils s'en vont. Tandis que les gens qui viennent ici, eh ben, pour eux, c'est comme, certains musulmans, quand ils sont arrivés ici, c'est comme s'ils sont arrivés au paradis. Alors, ils vont rien faire pour s'en faire sortir. S'ils savent que quelque chose risque de les faire chasser d'ici ou les faire sortir d'ici, eh ben là, ils vont tellement avoir peur, c'est comme s'ils vont se faire chasser du paradis, alors ils veulent pas. Alors ils vont dire, ah moi, je vais respecter tout, là, je vais... Ouais. Même, je te dis, ils sont prêts à endurer les moins 40, là, pour rester ici, hein. Allah musta'an. Bon, après, la deuxième cause des apparitions des bid'ahs, non, on n'a pas fini. Est-ce qu'on a fini? Il dit le chef, il dit ça, la yuqawimu al-bid'ah illa al-ulama. Les seules choses qui peuvent opposer et écraser les bid'ahs, c'est le ilm, la connaissance et les ulama. Le meilleur remède et la meilleure arme contre les innovations, c'est la connaissance. Et c'est pour ça que je disais à des frères aujourd'hui, je leur ai dit, si vous voulez voir que les bid'ahs disparaissent et commencent à être humiliés, faites répandre la connaissance autour de vous. Faites répandre autour de vous la connaissance de l'islam, la connaissance du Coran et la connaissance de la Sunna, vous allez voir les bid'ahs fondre et vous allez voir les gens de bid'ahs s'enfuir, parce que c'est des gens qui ont peur de la vérité. Hein? Donc vous voulez voir les bid'ahs disparaître, appliquez la Sunna, appelez les gens à la Sunna, clarifiez la vérité, vous allez voir la bid'ah disparaître. Et il n'y a rien qui peut écraser les bid'ah excepté la science et les ulama. Et c'est sur ça qu'est basée la da'wah salafiyya. La da'wah salafiyya est basée sur le ilm. Et c'est ça qui fait sa force. Et c'est ça qui fait qu'elle est au-dessus de toutes les autres. Parce qu'elle est établie sur le ilm. Basé sur le Coran, basé sur la Sunna et la voie des salafs. Et c'est pour ça que rien ne peut tenir dans son chemin. Et c'est pour ça qu'on est à Qa'ifatul Mansoura, le groupe victorieux, ou le Firqatul Najiya, et la secte sauvée. Et le cheikh il dit, أتيحت الفرصة للبدع أن تظهر وتنتشر لأهلها نعم si tu enlèves les ulama et le ilm, c'est là que tu donnes une chance aux bid'ahs et aux égarements de se répandre. Mais lorsqu'il y a les ulama dans un pays qui établissent la sunna, tu vas pas voir de bid'ahs. Et s'il y en a, tu vas voir qu'elles sont très humiliées et qu'elles sont cachées. Comme à Médine aujourd'hui, et dans certaines régions, en Arabie Saoudite, il y a des petits groupes de bid'ahs qui traînent à gauche et à droite, quelques chiites à gauche, quelques soufis à droite, qui essayent en cachette d'établir leurs affaires, mais ils sont humiliés, ils n'ont aucune autorité, aucun pouvoir, hein, dans ce sens-là. Ils sont humiliés à cause que la Sunna est forte, et c'est la Sunna qui a la main haute là-bas. Mais les gens du bid'ah rêvent de pouvoir enlever ce gouvernement qui est là-bas, qui est sur la voie des salafs, et de le remplacer par un autre gouvernement qui va donner à toutes les bid'ah la liberté d'être établie dans les terres saintes. Et c'est ça qu'ils souhaitent. C'est pour ça qu'ils détestent les wahhabis, à soi-disant. Parce qu'ils veulent voir là-bas leur bid'ah avoir le dessus. Hein? Tous les gens de bid'ah, ils veulent que c'est leur voix qui sont établi là-bas. Allah musta'an. Comme c'était avant Da'wat al-Salafiyya là-bas. Avant c'était les Soufiyya, hein, Al-Ashraf, hein, il y avait plein de Qubur, hein, Al-Ashraf, vous connaissez l'Ashraf? Ouais, Al-Ashraf, c'est Al-Malik Hussein, c'était lui qui était dirigeant là-bas, et puis à son époque il était sous la dirigeance des Turcs, et il y avait toutes les bédas, toutes les shirkiyats et les bédas là-bas, hein. Je comprends pas ta question. Parce que pour toi, les talibans, c'était correct. Mais c'est ça, c'est pas la question de clash ou de pas clash ou de taliban ou de pas taliban. Regarde-moi, mon frère. La da'wat al-haq, c'est celle qui est établie sur le kitab al-sunnah avec les preuves du tawhid et de la sunnah. Ça, c'est da'wat al-haq. Les talibans sont des diobandiyas, c'est des soufiyas, hein, sont mélangés toutes sortes de aqidah, mélangés, ils sont pas des salafis, ils sont pas sur la sunna. Ils ont détruit les statues des bouddhas, mais ils ont laissé tous les temps des awliyas, yani, que les gens adorent là-bas. Donc c'est, yani, c'est une chose qu'ils ont fait là-bas, c'était pas basé sur la sunna. Allah al-musta'an, et c'est dommage par exemple, hein, mais c'est juste pour dire, le pouvoir, c'est toujours entre les mains de celui qui a les armes. Les États-Unis, ils enlèvent leurs armes et leur armée. Est-ce que tu penses qu'ils vont rester encore la puissance mondiale? Je crois pas, Yann. Donc c'est toujours celui qui a les armes qui a le pouvoir. Exactement. Exactement. C'est ça. C'est toujours la question de force, Yann. Toujours. Allah al-Musta'an. Non, peut-être tu parles de les biens d'Allah, ta'ala, oui. Comme c'est, oui, peut-être que certains peuvent prendre ce verset-là pour interpréter qu'on peut aller puis vivre en plein milieu des koufars. Puis non, c'est ça l'affaire. Ce verset-là, ça dit aller sur la terre et chercher les bienfaits d'Allah. Ça, c'est permis d'aller sur la terre où tu vas aller faire du commerce, où tu vas aller faire quelque chose pour chercher les biens d'Allah, chercher le ilm, chercher le rizq, des choses de ce genre. Tant que ça ne rentre pas en contradiction avec l'islam et les règles de l'islam. Mais là, de là à aller vivre chez les koufars comme nous on est en train de faire maintenant, là, mais ça, c'est pas en accord avec l'islam, parce que on met notre religion et notre âme et notre vie, yani, à la merci de ces gens-là, et puis on se rend même pas compte de la fitna dans laquelle on se met. Quand tu sors dehors là, tu vois plein de péchés avec tes yeux, hein, et puis tu peux même pas dire un mot que ça c'est haram. Peut-être qu'à la longue même ton cœur commence à l'aimer, ce haram. Hein, et tu vas aller partout où tu vas, tu vois le haram, l'alcool, tu passes dans la rue, tu vois des gens qui boivent de l'alcool, après un certain temps tu vois même plus que c'est haram, parce que tu commences à être habitué, tu commences à l'accepter. Tu vois des gens, tu rentres dans un magasin, des Chinois, avec des idoles, des statues là, tu les vois, ils mettent du riz devant la statue, puis ils mettent des oranges, tu te dis mais qu'est-ce qu'ils font ces gens-là? Après un certain temps, tu dis, tu fais même pas une carte, tu vas même pas aller lui dire ça c'est shirk, pourquoi tu adores pas ton créateur. Il y a combien d'entre les musulmans à Montréal sont entrés chez des bouddhistes et ont vu une statue et ont dit au gars à la caisse ou au comptoir, pourquoi tu adores pas ton créateur au lieu d'adorer ses idoles? Combien d'entre les musulmans ont fait ça, hein? C'est pour ça que je vous dis, mes frères, on vit ici, on se met sous la fitna. La seule raison qui peut être permis pour une personne de vivre ici, ici-là, c'est s'il fait le da'wah, qu'il est venu pour le da'wah, et qu'il est capable d'exprimer et de pratiquer ouvertement sa religion sans crainte. S'il n'est pas capable, il est obligatoire pour lui de faire l'hijra s'il est capable de le faire. Ça, c'est des questions de nécessité. C'est pas la règle générale. La règle générale, c'est que c'est haram. Mais l'éducation, c'est juste si dans le cas où tu veux apprendre une science qui n'est pas disponible d'aller apprendre chez les musulmans, tu viens l'apprendre puis tu retournes dans ton pays après que tu as fini. Pas pour rester et pour rester des années et des années. Ou bien tu viens pour te faire traiter par des médecins parce que le traitement que tu veux n'est pas disponible dans les pays musulmans. Tu viens ici, tu te fais traiter puis tu retournes dans ton pays. Pas de venir ici puis de vivre comme on vit nous maintenant. Allah Moustahad. Ouais, avec le bien-être social, ça, faut même pas mentionner. Ya ikhwa, subhanallah, il y a toujours quelque chose à faire. Il y a des gens, ils sont ici à Montréal, ils font quoi? Ils font rien. Ils font juste se promener entre la maison et la mosquée et puis attendre la fin du mois pour recevoir leur chèque. Ouais, après la mosquée, le café. La mosquée et le café, et puis le premier du mois, ils ont le chèque dans la poste. Et puis peut-être même parfois, yani, ils s'arrangent pour travailler en dessous de la table ou d'aller dans leur pays, ils continuent à avoir le bien-être social ici, et puis après ils reviennent. Tout ça de trucs là, hein, c'est juste pour vous dire les frères que notre vie ici là, le prophète Salomon il a dit quoi? La main qui donne est plus haute que la main qui reçoit. Et il a toujours appelé les musulmans à être fiers et à vivre dans l'honneur. Pas à mendier puis à tendre la main. Les pays musulmans, on est en train de vivre sur le bien-être social international. Exactement. Il n'y a pas juste ça. Attends une minute. Il y a l'histoire que le fait que des musulmans, qu'il y a des péchés ou qu'il y a de l'injustice dans ces pays-là, ça ne veut pas dire que c'est pas un pays musulman. C'est des pays musulmans. Sauf que c'est des pays musulmans qui font des péchés. Les pays sont comme des êtres humains, sont comme des individus. Il y a des individus qui sont des meilleurs musulmans, il y a des individus qui sont des mauvais musulmans. Non, on ne dit pas que ce sont des salihim, mais on dit que ce sont des musulmans qui ont des péchés. Oui, mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné d'être endurant et d'être patient et de faire preuve. Il y a un sahabi au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'avait pas d'argent. Il est allé voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Puis il lui a dit, Ya Rasulallah, prête-moi un peu d'argent, je te le remets. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, prends cet argent, va t'acheter avec un genre de scie ou une hache, avec une hache, et avec cette hache, coupe du bois, va le vendre et après reviens. Il est allé, il a acheté la hache, il a coupé du bois, il a vendu le bois, il est revenu. C'est-à-dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a montré comment travailler pour gagner de l'argent, pour pas avoir à demander. Hein? Et donc, le musulman, peu importe où il vit, hein, subhanallah, dans les pays musulmans, il n'y a pas le bien-être social, il n'y a pas le chômage, il n'y a pas toutes ces assurances de travail et tout ça, mais il y a de l'aide entre les gens. Les voisins ils s'entraident, les gens ils s'entraident, il y a une rahma, il y a une certaine miséricorde entre les gens. Parce que ici les gens sont des sauvages. Ici là tu peux voir quelqu'un est dans ta famille, il a beaucoup d'argent, et il voit son frère à côté ou sa soeur qui a besoin, il dit ben tu reçois ton chèque, pourquoi je vais t'aider? Hein? C'est des exemples. Et il y a plus de choses encore. C'est un système sauvage ici. C'est pas capitaliste, ça, c'est sauvage. C'est encore plus sauvage. C'est un système, même pas humain, ça mérite même pas de t'appeler humain. Et puis après, tu entends des musulmans qui glorifient le bien de ces pays et tout, et qui parlent de la justice et tout. Quelle justice? Tout ça, c'est des mensonges, subhanallah. Et nous, on est aveuglés, yani, on arrive à y croire. Il y a parfois parmi les musulmans qui arrivent à croire qu'ici, il y a vraiment la justice. Yani, subhanallah. En tout cas, Allah al-Musta'an. C'est des pays musulmans, en fait. Il y a les mosquées, il y a les cimetières musulmans, il y a la prière, il y a l'islam. C'est sûr qu'ils n'appliquent pas l'islam comme ça devrait l'être, et comme, mais comment ça peut changer? C'est avec le ilm, avec le da'wah, avec le temps, il faut être patient là-dedans. Mais si tu penses que les pays musulmans vont devenir meilleurs en venant ici, puis en, hein, tu penses qu'en quittant ton pays et venir ici, c'est là que ça va s'améliorer là-bas? Yani, là tu vois que tout le monde pense qu'ils veulent s'enfuir des problèmes là-bas pour venir ici, c'est-à-dire comme des lâches. Hein? Au lieu de rester là-bas puis d'essayer de corriger les problèmes, d'arranger la situation, de travailler, de remonter sa chemise, comme on dit, on remonte les manches puis on travaille pour arranger la situation, eux ils viennent ici comme des lâches, ils laissent leur pays puis ils viennent se dorer là, le ventre au soleil. Et ils disent, ah eux autres sont des sauvages là-bas et ils vivent comme des animaux, moi je viens vivre ici, chez les koufars. Ça là, ça c'est dangereux. Fait. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a parlé de ça. Il a dit ça dans plein de hadiths là. Même dans un hadith il a dit, Allah il n'accepte pas aucune action d'une personne qui devient musulman tant qu'il n'a pas quitté les mouchriquins pour aller vivre avec les musulmans. Donc ça veut dire si quelqu'un se convertit à l'islam chez les koufars, dans ce hadith-là, ça veut dire qu'Allah n'acceptera pas aucune action de lui tant qu'il n'a pas quitté les mouchriquins pour aller vivre avec les musulmans. Et ça, c'est si il a la capacité de le faire et qu'il a pas les capables. S'il n'est pas capable de le faire, ça c'est Allahu a'lam. Donc, à l'époque où les chrétiens étaient très pratiquants du christianisme et tout ça, personne parmi les musulmans voulait venir ici. Pourquoi? Hein, il y a 100 ans ou 200 ans. Est-ce que vous pensez qu'un musulman allait venir ici habiter? Non. Bon. Et en Europe? Est-ce qu'il y avait des musulmans avant? Au 1700, 1600, il y avait des musulmans en Europe? Pourquoi? Et il y avait, exactement. Donc, aujourd'hui, des siècles après, là maintenant les koufars, ils ont utilisé une ruse. Ils ont ouvert les portes, ils ont dit, bon, on va mettre notre religion de côté. Ya Afi, ça c'est... Ouais, mais ça c'est des munafiqins. Et il y en a toujours eu, des munafiqins. C'est pas nouveau là, d'accord? Après le cheikh il dit, deuxièmement, Ittiba'ul Hawa. De suivre ses passions, ça c'est une chose qui a amené l'apparition des bid'ah et des innovations. Le cheikh dit man a'rada 'an al-kitab wa as-sunnah ittaba'a hawah. Celui qui s'éloigne du Coran et de la Sunna, il suit ses passions. Comme قال تعالى فإن لم يستجيب لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. وقال تعالى أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله. ça c'est un verset puissant ça. Allah subhanahu wa ta'ala il dit, et ça c'est pour prouver que celui qui s'éloigne du Coran et de la Sunna, il suit sa passion. Le cheikh il dit, Allah subhanahu wa ta'ala a dit, et s'ils ne vous répondent pas, et ça c'est au sujet des gens du livre, s'ils ne vous répondent pas, sachez que c'est parce qu'ils suivent, et sachez que c'est uniquement parce qu'ils suivent leur passion. Hein? Et qui est plus égaré que celui qui suit sa passion sans aucune guidance venant d'Allah subhanahu wa ta'ala? Qui est plus égaré que celui qui suit sa passion sans aucune guidance venant d'Allah subhanahu wa ta'ala? Et dans un autre verset, Allah subhanahu wa ta'ala il dit, n'as-tu pas vu celui qui prend pour sa passion pour sa divinité? Hein, il prend pour Dieu sa passion. hein? وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَى عِلْمٍ Allah subhanahu wa ta'ala l'a égaré sur la connaissance. Il l'a égaré alors qu'il sait. وَخَطَمَ عَلَى سَمْعِهِ Et il a mis un sceau sur ses oreilles, sur son ouïe. وَعَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ Sur ses oreilles et sur son cœur, il a mis un sceau. Subhanallah. Que Allah nous protège d'avoir un sceau sur notre cœur et sur nos oreilles. Vous imaginez, si Allah met un sceau sur notre cœur et nos oreilles, hein? Et il a mis sur leur vision, sur leur vue, un voile. فَمَنْ يَهْدِهِ مِنْ بَعْدِ اللَّهِ Qui va le guider après Allah subhanahu wa ta'ala, hein? Donc ça c'est pour ça qu'il faut demander la protection d'Allah subhanahu wa ta'ala contre ça. Et souvent ça vient à cause du fait qu'on suit nos passions. Quand on suit nos passions, comme on dit, l'amour est aveugle. Eh bien, l'amour des innovations, elle aveugle aussi. L'amour des bédas, elle aveugle. Elle aveugle au point tel que, lorsque quelqu'un, tu lui mentionnes un hadith, tu lui mentionnes un ayah, la personne, elle veut pas l'entendre, elle veut pas l'écouter, elle veut pas le voir. Tu peux lui montrer tous les hadiths authentiques dans Sahih Muslim, Sahih Bukhari, les versets dans le Coran, tu lui montres clairement, la personne dit, ah. Il a une choubha dans le cœur. Alors il ne peut pas voir, il ne peut pas comprendre. Il n'entend pas, il ne voit pas, son cœur est bloqué. Hein? C'est ça qui est dangereux avec la bida. Et c'est ça la situation des gens de bida. Ils ont une choubha dans le cœur, ils ne sont plus capables de l'enlever, ça reste pris au fond, et là, peu importe tout ce que. Subhanallah, tu vois des gens là, quand ils sont pris dans une bida, par exemple, les affaires de takfir et tout, hein, je me souviens, ils parlent juste de ça, jour et nuit. Du matin jusqu'au soir, il rencontre quelqu'un, première chose qu'il mentionne, c'est ça. Hein? C'est comme s'il y a juste ce sujet-là qui existe dans l'islam. Donc c'est pour ça, tu vois, ça devient une fitna. Et c'est là que tu vois que quelqu'un, il a une choubha dans son cœur. Parce que quand tu regardes les ulama, comment ils sont calmes, ils sont relax. Tu sens en eux une paix. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc c'est ça, ya ikhwa, le danger de suivre ses passions. Et les chrétiens, c'est en suivant leurs passions qu'ils sont dans leur coffre, le shirk, d'adorer Jésus. Parce que même si tu regardes dans leur livre, c'est pas écrit nulle part qu'il faut prier Jésus, qu'il faut adorer Jésus, que Jésus a dit je suis Dieu. Il n'a parlé nulle part qu'il y a trois dieux en un, que c'est une trinité. Non, ils ont essayé de le crucifier, mais Allah l'a élevé aux cieux. وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم ils ne l'ont pas crucifié, ils ne l'ont pas tué, mais ils ont eu l'impression que c'était ça, ils ont eu cette impression là parce que ils pensent qu'ils ont tué Jésus, mais en réalité ils ne l'ont pas tué. وما قتلوه يقينا, c'est certain qu'ils ne l'ont pas tué, mais bon, là ils ont fait des films là qui montrent qu'ils l'ont crucifié et tout là, ça c'est Hollywood. La vraie version là, elle est dans le Coran. Ok, non. Ouais, en Philippines. Ouais, en Philippines. Chaque année ils font le rituel. Non, pas à chaque fois. Je crois que c'est toujours quelqu'un différent. Ou bien, non, Allah nous salue. C'est des chrétiens, c'est des fanatiques, yani. Alaykum salam, rahmatullah. Après, le cheikh il dit. والبدع إنما هي نسيج الهوى المتبع. Il y a toujours un lien entre les bédas et les passions. Et c'est pour ça que les ulama, quand ils parlent, quand ils réfutent les gens bédas, ils disent أهل البدع والأهواء. Toujours. Et c'est ça que l'imam Shafi'i il disait. Il dit je préférerais rencontrer Allah avec tout ce qu'il a interdit comme péché que de rencontrer Allah avec une seule de ses bédas. Une seule de ses ahwa. Il a dit ahwa. Mais ça veut dire les bédas. Il préférerait faire tous les péchés que Allah a interdit. Mais il pouvait accepter le shirk, mais plutôt que de rencontrer Allah avec une de ses bédas, une de ses ahwa. Ça montre le danger et la différence entre la bida et le péché. Un péché, tu peux te repentir, pas la bida, comme on a déjà expliqué ça. Parce que la bida, tu penses que c'est quelque chose qu'Allah aime, donc tu continues à le faire. Il faut que la personne soit consciente que c'est une bid'a pour la laisser. Mais tant qu'elle n'a pas compris que c'est une bid'a, elle va continuer à le faire. Et donc c'est pour ça qu'elle ne va pas se repentir. Et c'est pour ça que c'est très difficile pour un moutadeur de quitter sa bid'a. Parce qu'il croit que celui qui n'est pas avec lui, et c'est lui qui est sur la bid'a. Hein? Tu vas dire à quelqu'un quelque chose de la sunna, il va dire non, c'est toi qui es un moutadeur. Si vous dites Ar-Rahman wa ala al-Arsh istawa, il dit Astaghfirullah. A'oudhou billah. Ouais, ce qu'il dit. Yani, c'est le parti des Sahaba, le parti des Tabi'in, le parti qui ont suivi la voie de Ulaika Hizbullah, le parti d'Allah, comme il le mentionne dans le Coran. Il y a juste un seul parti d'Allah. C'est lui que tu dois suivre. Al-Firqatu Najia. Il y a 73 sectes, il y en a une seule qui va au paradis. Les autres, ils vont aller en enfer. Ça ne veut pas dire qu'ils quittent l'islam. Ils sont encore dans l'islam. Excepté qu'ils sont dans une bid'a. Allah va les punir pour cette bid'a. Puis, ils vont sortir de l'enfer quand Allah va décider. Ils ne sont pas éternellement dans l'enfer. Sauf s'ils ont fait le shirk. Là, ils vont rester éternellement dans l'enfer. Mais s'ils n'ont pas fait le shirk, ils vont sortir de l'enfer. D'accord? Après, le shirk, il dit, التعصب للآراء والرجال. Ça c'est une grande cause de bid'a. Le fait que tu suis fanatiquement les opinions de quelqu'un ou une personne en particulier. Hein? Le cheikh dit التعصب للآراء والرجال يحول بين المرء واتباع الدليل ومعرفة الحق. قال تعالى وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا. هذا هو شأن المتعصبين اليوم من بعض أتباع المذاهب والصوفية القبوريين إذا دعوا إلى اتباع الكتاب والسنة نبذ ما هم عليه مما يخالفهما واحتجوا بمذاهبهم ومشايخهم وآبائهم وأجدادهم. الشيخ الزي فاسي لفد السيف فاناتيكما نوفو بينيون ديجا. Ça empêche une personne, ou bien ça se interpose entre lui et le fait de suivre la preuve. Hein? Ça l'empêche de suivre la preuve et de connaître la vérité. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, et lorsqu'on leur dit, suivez ce qu'Allah a révélé, ils disent, eux, ces gens-là, ils répondent, ils disent, non, on préfère suivre ce qu'on a trouvé, nos parents, en train de faire. Hein? Ça dit, si ton père est un voleur, tu deviens un voleur. Hein? Donc c'est ça. Souvent les gens m'ont dit ça. C'est vrai, comme le frère Issa a dit. Les gens, je leur parle de l'islam, ils disent, ah, mais je peux pas quitter ma religion parce que je dois suivre mes parents. Non, mais si tes parents étaient dans, quelque chose de mal, est-ce que tu dois les suivre automatiquement? Au jugement dernier, on va tous être seuls devant Allah subhanahu wa ta'ala. Et nos liens de parenté vont rien pouvoir nous ajouter ou nous éloigner. Hein. Donc ça veut dire que si tu n'as pas été sur la vérité, tu ne pourras plus te défendre ou demander à tes parents de t'aider. Ce jour-là, il n'y aura plus de lien de parenté entre les gens. Mais surtout dans les pays musulmans, parce que dans les pays musulmans aujourd'hui, il y a des gens qui sont de génération en génération sur des bédards. Ils font partie des grandes familles de soufis, par exemple. Hein? Ou bien ils suivent les mazahib et des choses de ce genre. Hein? Qui sont des fois dans certaines choses qui sont en contradiction avec le Coran et la Sunna. Donc, quand tu viens parler avec ces gens-là, eh bien, ils disent, écoute, nous on suit, qu'est-ce que nos parents ont suivi? Ils étaient tous des grands soufis, des grands maîtres, des grands je sais pas quoi encore. Mon grand-père était l'imam de la ville et il était le mufti. Quand il y avait une question, tout le monde venait lui poser des questions et c'est lui qui répondait, etc., etc. Donc je ne peux pas revenir sur la position de ceux-là, je dois les suivre. Et ça, Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans le Coran, أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَحْتَدُونَ. Même si vos parents ils ne comprenaient rien, ils n'étaient pas bien guidés, malgré ça vous voulez quand même continuer à les suivre. Donc c'est un exemple. Bien que vous ne versez pas des mouchriquins qui adoraient leurs idoles, mais ça s'applique également à toute personne qui utilisent cet argument-là pour s'éloigner de la vérité, c'est-à-dire pour ne pas vouloir suivre le Coran et la Sunna. Hein? Et le chef il dit que lorsqu'on les appelle à la Sunna et que ça contredit ce qu'ils suivent eux, eh bien ils utilisent souvent cet argument-là et ça c'est dangereux. Ou bien des fois tu mentionnes à quelqu'un des choses du Coran et de la Sunna. Par exemple, tu vas leur dire faire le Mawlid Nabawi par exemple, c'est une bid'a. Là il va essayer de te mentionner une dizaine de noms de différents chouyours qui ont dit que le Mawlid était bon. Là, ils vont te dire un tel cheikh a dit telle chose, et un tel cheikh a dit que c'était bon, et un tel cheikh a dit que c'était bon. Et bien entendu, ce sont toujours après les quatre premières générations de l'islam. Ce sont toujours des chouyours qui sont venus par la suite, bien après. Hein? Donc tu leur dis, ouais, ok, c'est bien beau, mais la quantité de chouyours que tu ramènes, c'est pas ça qui rend l'affaire plus vrai. Et le fait que c'est un cheikh ou tel cheikh a dit, c'est pas ça qui fait que c'est une preuve. La preuve, c'est le kitab au sunnah. Mais même si tu n'amènes pas de preuve, peu importe le nombre de cheikhs que tu peux mentionner, c'est pas ça qui rajoute du poids à ton argument. Commence par établir la preuve au début du Coran et de la sunnah. Après, tu peux mentionner des paroles des ulama pour affirmer puis consolider ton argument. Et c'est pour ça que les ulama, ils disent, on n'utilise pas les paroles des ulama comme une preuve, mais comme un témoignage uniquement. C'est-à-dire comme un témoignage pour montrer, pour donner plus de support à notre argument pour dire que, effectivement, il y a des musulmans, il y a des ulama qui ont appuyé la même position. Mais tu peux pas dire, par exemple, comme certains, comme si c'est la preuve, c'est la parole des ulama. Hein, malgré que le dalil, la preuve, elle va en contradiction avec ce que ces ulama là ont dit. Pardon? Exactement. Avec un nas, quand il y a un texte du Coran et de la Sunna, ce n'est plus permis de faire d'ijtihad. L'ijtihad, wa alaykum salam wa rahmatullah, l'ijtihad c'est uniquement sur les questions sur lesquelles il n'y a pas un nas sarih. Il n'y a pas un texte clair qui en parle. Ah oui, ça c'est vrai. Souvent tu vas voir des gens qui disent ça. Quand tu leur dis par exemple que dans tel hadith le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a ordonné de faire telle chose. Et là, tu vois que la personne qui veut suivre fanatiquement et aveuglément l'opinion d'un imam ou d'un cheikh, il te répond, oui mais ça c'est en contradiction avec mon imam ou bien mon madhab. Alors là, tu lui dis, oui, mais qu'est-ce que tu dois suivre? C'est le dalil, hein, parce que Allah subhanahu wa ta'ala a dit, فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. Hein, si vous divergez en quoi que ce soit, rapportez-le à Allah et à son messager. Mais là, ils vont te dire, ouais, mais toi, est-ce que tu es plus connaissant que mon imam? Est-ce que tu as plus de connaissances que tel ou tel ou tel alim? Et là, vous pouvez leur répondre. Et est-ce que ton alim ou ton imam a plus de connaissances que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Hein? Donc c'est ça. Est-ce que moi je te dis le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit. Et toi tu me dis mon cheikh a dit. Je te dis. Est-ce que ton cheikh a plus de connaissances que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Oui. Oui. C'est-à-dire, l'homme est allé voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a demandé une réponse. Et après que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné la réponse, il est allé voir Omar et il a dit, ya Rasoul, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit telle chose, et toi qu'est-ce que tu dis? Si je me trompe pas, c'est ça. Il dit, mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu, puis après tu viens me demander à moi, qu'est-ce que je pense? Et c'est arrivé même entre Ibn Abbas et un autre parmi les Sahaba, lorsqu'il lui a parlé d'une question sur le Hajj, il leur a dit, faites le Hajj al-Tamattu, hein, une des formes de Hajj. Et les autres ont dit, oui, mais Abu Bakr et Omar nous ont dit de faire l'autre Hajj. Alors, Ibn Abbas leur a répondu et leur a dit, Subhanallah, moi je vous dis, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم hein, que le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم a dit telle chose et vous me répondez قال عمر قال أبو بكر وعمر, comme si vous mettez Abu Bakr et Omar à égalité avec les paroles du prophète صلى الله عليه وسلم. Donc Ibn Abbas était très en colère hein, parce qu'il a entendu les gens dire des choses comme ça yani. Hein? Non. Non. Ouais. Le prophète, l'imam Malik, il a dit un exemple de ce genre-là. Le sahib ou hadal qadr. Non. Il a l'exemple de l'imam Malik qui a dit, on peut prendre et rejeter toutes les paroles des autres, excepté la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il y a des paroles de ce genre qui ont été rapportées de tous les imams de l'islam. D'accord? Après, le chef, il dit, at-tashabbuh bil kuffar. Ça, c'est une des grandes causes qui a amené à l'apparition de beaucoup de bid'ah. Le fait qu'on ressemble, on essaie de ressembler aux kuffar. Hein? Le cheikh dit, هو من أشد ما يوقع في البدع. كما في حديث أبي واقد الليثي قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء وعهد بكفر وللمشركين صدرة يعكفون عندها وينطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط فمررنا بسدرة فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أكبر إنها السنن قلتم والذي نفسي بيده ما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون لتركبن أو لتركبن سنن من كان قبلكم. Donc ça c'est un hadith qui est rapporté dans Sunan al-Tirmidhi qui est authentique, dans lequel Abu Waqid al-Laythi il dit que nous sommes sortis avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam vers Hunayn et nous étions nouveaux dans l'islam, nous venions de quitter le coffre. Et on est passé près d'un arbre, parce que les mouchriquins, ils avaient un arbre, et ils accrochaient leurs armes, leurs épées, dans cet arbre-là, et ils croyaient que le fait d'accrocher leurs armes dans cet arbre allait donner à leurs armes plus de puissance, plus de frappe, plus de force. Alors, les sahaba, ils étaient nouveaux dans l'islam, certains d'entre eux, donc ils ont dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'ils sont passés devant un autre arbre de la même sorte que cet arbre, que l'arbre des mouchriquins, ils ont dit, Ya Rasulallah, les mouchriquins, ils ont un arbre qu'ils appellent Zart Anwar, et ils mettent leurs armes sur cet arbre pour leur donner de la force. Alors, pourquoi tu ne désignes pas cet arbre-là pour nous, pour que nous aussi on puisse accrocher nos armes dedans, pour faire comme les mouchriquins? Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Allahu Akbar, hein, Subhanallah, il était étonné, il a dit innaha sunan, hein, c'est des choses qui se répètent à chaque fois. Vous avez dit par celui qui détient son âme, mon âme entre ses mains, la même chose que les gens ont dit à Moussa, le peuple de Moussa a dit à Moussa, ils ont dit fais-nous un dieu comme eux ont un dieu, hein, lorsqu'ils sont passés près des mouchriquins. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, et vous allez suivre ces gens-là, hein, ceux qui sont venus avant vous, vous allez les suivre. Et dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, la tattabi'unna sanana man kana qablakum, shibran bi shibrin, zira'an bi zira'in, hatta walau dakhalu juhra dabbin, la dakhaltumuh. Qila man hum ya Rasulullah, al-Yahud wal-Nasara, qala faman. Et le hadith en français a dit, vous allez suivre les exemples des juifs et des chrétiens, pas à pas, hein. Shibran bi shibrin. Le shibr, c'est, je pense, la longueur d'une main. Zira', c'est la longueur d'un bras. Donc, vous allez les suivre, mesure par mesure, hein. Jusqu'à ce que lorsqu'ils décident de rentrer dans le trou de lézard, vous allez vouloir les suivre dans le trou de lézard. Hein. Et, ça implique qu'on voudra les suivre, les juifs et les chrétiens, dans toute chose qui est haram, ou qui est bédard, ou qui est mauvais. C'est ça que ça implique le trou de lézard. C'est pas nécessaire que c'est réellement un trou de lézard parce que c'est trop petit. De toute façon, un être humain ne peut pas rentrer. Mais c'est juste un exemple que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous donne pour comprendre que même s'ils veulent faire une stupidité pareille, nous on va essayer de les suivre là-dedans. Et il a dit, Ya Rasulallah, ils ont dit, Ya Rasulallah, est-ce que tu parles des juifs et des chrétiens? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu, qui d'autre? Et lorsque tu regardes la situation de la Ummah, tu vois qu'effectivement, les musulmans sont en train de suivre pas à pas l'exemple des juifs et des chrétiens. Hein? Et tous les exemples d'égarement que tu trouves chez les juifs et les chrétiens, tu vas quand même les trouver parmi les musulmans. Wallahu musta'an. Excepté qu'il y a toujours un groupe de la Ummah qui ne vont pas les suivre et qui vont rester sur le haqq. La tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'ala al-haqq. Hein? Donc ça veut dire que jusqu'au jugement dernier, il y aura toujours le groupe de la Ummah qui suivent la Sunna, qui s'accrochent à la vérité et qui ne vont pas dévier sur la voie des juifs et des chrétiens, alhamdoulilah. Après le chef dit, fa fi hadha al-hadith an at-tashabbuh bil-kuffar huwa alladhi hamala bani Israil wa ba'd ashab Muhammad sallallahu alayhi wa sallam an yatlubu hadha al-talab al-qabih. وهو أن يجعل لهم آلهة يعبدونها ويتبركون بها من دون الله وهذا نفسه هو الواقع اليوم فإن غالب الناس من المسلمين قلد الكفار في عمل البدع والشركيات كأعياد الموالد وإقامة الأيام والأسابيع لأعمال مخصصة والاحتفال بالمناسبات الدينية والذكريات وإقامة التماثيل لنصب الذكرى لنصب التذكارية وإقامة المآتم وبدع الجنائز والبناء على القبور وغير ذلك. Donc le cheikh dit que dans ce hadith il y a l'exemple que les gens ont qui montre que le fait que les gens ont essayé d'imiter les kuffars, hein, parce que Banu Israël, le peuple de Moussa, ils ont vu des mouchriquins qui ont adoré une idole, et donc ils ont voulu essayer de les imiter. Et il y a l'exemple également que les Sahaba ont vu un arbre que les mouchriquins utilisaient pour le baraka, quelque chose de ce genre, et eux, les musulmans, ont voulu faire la même chose que ça, que ces choses-là. Et aujourd'hui, il y en a des musulmans qui prennent ça, ils font le baraka sur les arbres, sur les pierres, sur les tombes. Ils cherchent la baraka sur des choses de ce genre, sur la Kaaba, ils frottent les portes et les murs à la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu les vois, frottent les murs, frottent les portes, hein, toutes ces choses-là, la poussière, oui, tout ce qu'ils peuvent trouver, subhanallah, ils vont le faire pour essayer de chercher une baraka, alors que c'est pas de là que vient la baraka. Après, le cheikh il dit, yani, c'est le fait qu'ils ont voulu essayer d'imiter les koufars, c'est ça qui les a amenés à vouloir demander des choses aussi laides que de faire des exemples de shirk et des choses comme ça. Et le chef il dit que c'est ça exactement qui s'est produit aujourd'hui, que la plupart des musulmans, ils ont imité les koufars dans ces exemples de bid'ah et de shirk, hein, comme le fait d'établir des fêtes comme la fête du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou des exemples de mawalid de ce genre. D'établir des semaines ou des jours spécifiques pour faire certains actes d'adoration, de faire des fêtes religieuses dans certaines occasions, etc. D'établir des statues, hein, je ne sais pas si dans certains pays musulmans ils ont fait ça, des statues dans les places publiques, ouais, tout ça. Non. Donc on va s'arrêter maintenant pour faire l'azan et puis on continuera, inshallah, la semaine prochaine. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم استغفروه إنه هو الغفور الرحيم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك